Yeah. Ah. J'ai mis de la rage, toute ma haine sur ce scud. Les flips rap, bouge la tête, j'suis venu foutre le spolio. Tous ces traits, j'aurais dit adieu. 2013, si j'irais d'avancer à deux. Ça s'éclate trop, attends de voir comment c'est. On est venu pour finir ce qu'on a commencé, ouais. 6 ans plus tard, nous revoilà à la case départ. MC, crois surtout pas que si tu me clashes tes balles. On s'est fait seul après tant d'efforts et de progrès. Grâce au soutien des potes qui ont donné de la force à ce projet. Gros jeune somme, c'est comme ça que je procède. Que des grossesses, le rap c'est bien, mais ça paye pas mes procès. V'là du lourd, mes conquis qui encaissent. Les jaloux louvent, mais ça qui fonce crève. Que de la merde, c'est ainsi dans le rap, ça plaire. Oui, c'est pas un album, c'est le nouveau projet de Blair Witch. L'arnaqueur, c'est l'ambition qui s'empare de la peur. Le sillonneur, j'm'active. J'écris toujours à des heures tardives. Bah ouais. On s'est dit, sur ce coup-ci, cousin, on va faire fort. J'donne deux fois plus de haine, histoire de battre l'air corps. Sans regret, depuis le début, j'connais pas l'air mort. J'vais te préparer une punchline qui réveillera les morts. Barrez-vous, là, j'm'en bats les couilles, j'plais. Genre, qui parle en mal. J'ai l'avantage, un peu comme si j'avais des boules qui est. Moi je deviens ouf clair, j'arrête pas de voir sombre. Une dégaine suspecte, je traîne une sale tronche. En 2013 qui a changé, c'est du poil de la bête. J'en ai repris mais j'ai maigri pour ton regard de ma tête. Ce que j'ai perdu c'est un peu de sens dans mes sons. J'ai baigné dans la violence, j'ai du sang dans les pompes. La routine, c'est taf, galère et tease. Grave sa mère d'esprit, remplir des pages avec les tripes. J'ai pas le soin qui va plaire à tes ex. Je reste le même, j'ai besoin de personne moi pour plaire à des textes. Écoute, c'est pour le kiff, on n'est pas dans ce game. Y'a pas qu'en cuisine que les balances pèsent. Si chaque mec quand t'es seul, tu nous crames en scrème. Aux mauvaises langues, on a transformé la balance pèse. Pour le kiff, on n'est pas dans ce game. Y'a pas qu'en cuisine que les balances pèsent. Si chaque mec quand t'es seul, tu nous crames en scrème. Aux mauvaises langues, on a transformé la balance pèse.